Franco d'Ouimane. Bonjour, merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 22 décembre 2022. Voici les grands titres de cette édition. Le Conseil des ministres tenu ce mercredi a recommandé le recours aux enseignants spécialistes retraités pour combler le déficit en enseignants. Une inspection effectuée par la communauté est-africaine dans 3 universités du Burundi organisant des enseignements en médecine montre que la faculté de médecine à l'université du Burundi a eu 58% seulement. Et les demandeurs de documents administratifs dans les communes de Rumonge, Wuyengero et Bugarama de la province Rumonge se plaignent de ne pas être servis après l'incarcération de leurs administrateurs. Cela fait 2 semaines. Et les habitants de la province Cibitoke qui réclament la suppression de 15 000 francs burundais ou 15 dollars exigés à l'entrée sur la frontière burundaise avec le Rwanda afin de favoriser la fluidité de la circulation. Aujourd'hui, très timide. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Une somme de plus de 2,4 milliards de francs burundais et plus de 1 600 sacs de ciment représente la contribution des banques et assurances ainsi que de certains entrepreneurs ce jeudi pour la construction du stade Intwari. Effectuant les travaux communautaires sur ce stade, le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, a demandé à la population de continuer à soutenir ce projet pour que ce stade soit inauguré lors de la prochaine fête du travail des travailleurs, le 1er mai 2023. La faculté de médecine à l'université du Burundi a eu 58% seulement lors de l'inspection de 3 universités du Burundi, une inspection effectuée par la communauté est-africaine. Cela ressort d'une note présentée par le ministre en charge de la recherche scientifique. Lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi, le secrétaire général de l'État et porte-parole Prosper Narugwamiye précise que les programmes académiques, infrastructures et équipements font partie des domaines d'évaluation supérieure. Cette activité a été organisée conformément à une directive de la 19e réunion ordinaire du Conseil sectoriel des ministres des États membres de l'EAC ayant la santé dans leurs attributions. L'exercice d'inspection vise à établir la conformité des universités aux normes et directives régissant les écoles de médecine et médecine dentaire dans la communauté de l'Afrique de l'Est, en vue d'améliorer les services et de promouvoir l'harmonisation de l'enseignement et de la formation universitaire dans la région. De plus, l'inspection visait à vérifier l'état de mise en exécution des recommandations de la 2e inspection conjointe. Les inspecteurs ont utilisé un outil d'évaluation préétabli et signé conjointement par les États membres de l'EAC et qui comprend notamment les principaux domaines d'évaluation ci-après, la gouvernance et la gestion, les programmes académiques, les infrastructures et équipements, les ressources humaines, la vie étudiantine, le suivi et l'évaluation des programmes et la recherche et l'innovation. Les critères d'appréciation sont les suivants. Une note inférieure à 50% signifie qu'il n'y a pas conformité aux normes et la recommandation et la fermeture de la faculté. Une note située entre 50% et 80% signifie qu'il y a conformité partielle aux normes et la recommandation est une réinspection dans 3 à 6 mois. Une note située entre 80% et 100% signifie qu'il y a conformité aux normes minimales et la recommandation est de poursuivre l'amélioration et le maintien des normes. Comme résultat, aux 3 universités du Burundi inspectées, l'Université Espoir d'Afrique a obtenu 62,5%, l'Université du Burundi a obtenu 58% et l'Université d'Ngozi a obtenu 50,5%. Ces universités ont particulièrement respecté les normes et directives régionales pour l'inspection et la reconnaissance des facultés de médecine et des hôpitaux universitaires dans les États partenaires de l'EAC. Elles seront réévaluées dans 6 mois aux frais de ces universités. Au cours de l'analyse de cette note, le recours aux enseignants spécialistes retraités a été une des recommandations. Prosper Narugwamiye explique que cela pourra combler le déficit en enseignants. Encore une fois, on l'écoute. Au cours de l'analyse de la note, le Conseil des ministres a formulé les observations et recommandations suivantes. Élaborer un état des lieux de l'exécution des recommandations de la Commission ainsi qu'un plan de leur mise en œuvre en commençant par les plus faciles. Inventorier les outils d'évaluation utilisés par la Commission, notamment les textes et mettre à jour ce qui doivent l'être. Identifier toutes les structures disposant de laboratoires et autres équipements utiles pour le pays pour les mettre à contribution en cas de besoin. En plus de la faculté de médecine à doter de laboratoires, procéder de même pour les autres facultés qui en ont besoin pour se conformer aux normes exigées. Élaborer des plans pour des laboratoires modernes pour qu'à la prochaine inspection, il y ait eu au moins un début d'exécution. Faire recours aux enseignants spécialisés retraités pour combler le déficit en enseignants. Activer la diplomatie pour avoir des enseignants coopérants. Chercher des enseignants dans le cadre régional, en l'occurrence la communauté est-africaine, comme solution à la carence des enseignants. Rendre le centre hospitalo-universitaire de Kamenge un hôpital réellement universitaire par la révision des textes qui le régissent. Identifier les personnes répondant au profil exigé pour qu'elles dirigent les départements à la faculté de médecine. Plaider auprès du Royaume d'Arabie Saoudite pour qu'elle mette en œuvre la promesse de la réhabilitation du centre hospitalo-universitaire de Kamenge. Chercher plus de bourses à l'étranger dans les domaines clés pour le pays. Étudier des stratégies pour faire entrer les Burundais qui font des études à l'étranger et qui ont tendance à y rester. C'était le secrétaire général de l'État et porte-parole Prosper Nargwamiye. Il est 13h02 dans nos studios. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Les habitants de la province Cibitoke réclament la suppression de 15 000 francs burundais et 15 dollars exigés à l'entrée sur la frontière burundaise avec le Rwanda afin de favoriser la fluidité de la circulation. Aujourd'hui, c'est très timide. Lors d'une émission organisée par l'ONG La Benevolencia ce mercredi 21 décembre, à laquelle étaient conviés les habitants, les administratifs et les forces de sécurité de quatre communes de la province Cibitoke, dont Mabayi, les participants ont estimé que la suppression de ces frais de test Covid-19 pourrait booster la circulation des biens et des personnes. Suivez-les. Depuis la réouverture des frontières, il y a 2 mois, mais dans notre commune de Mabayi, zone Ruhororo, colline Ruhororo, les relations ne sont pas encore renormalisées. Il n'y a pas de Rwandais qui traversent la frontière, non plus des Burundais qui franchissent la frontière. Dans cette commune, surtout sur la colline Ruhororo, la frontière de l'intérieur n'est pas réouverte. On attend toujours. Il y a des grandes pertes, car avant, les habitants vendaient des marchandises au Rwanda et les Rwandais faisaient de même. Et la commune percevait des taxes. Les autorités concernées devraient ouvrir cette frontière entre le Burundi et le Rwanda. Nous souhaitons la reprise des relations comme auparavant. Nous, simples citoyens, nous allions au Rwanda pour faire des business afin de subvenir aux besoins de nos familles, de même pour les Rwandais qui venaient chez nous. Nous souhaitons vraiment la reprise de ces relations avec le Rwanda. Je faisais le commerce entre le Burundi et le Rwanda dans le passé, avant les perturbations. Les commerçants allaient au Rwanda et les Rwandais venaient au Burundi. Pour le moment, la situation n'est pas bonne. C'est vrai, on a ouvert à la frontière, mais les petites frontières à l'intérieur, jusqu'à présent, elles ne sont pas réouvertes. On n'y passe pas officiellement. C'était le micro-baladeur de la rédaction à Cibitoke. Et le Conseil national de la communication a débuté ce jeudi une réunion ordinaire de ses membres pour 2 jours, entre autres points qui seront analysés, l'exécution du plan budgétaire. Dans une interview accordée aux journalistes, la présidente de cette commission a indiqué que cette réunion, faite à cette fin d'année, est une occasion d'évaluer leurs activités effectuées au cours de cette année. Suivi à ce propos, Vestine, c'est la présidente du CNC. Le Conseil national de la communication, comme il se fait d'ailleurs, évolue au rythme du budget, programme, etc. Il s'agit d'une innovation instaurée par son Excellence, le Président de la République, et qui est en route depuis le début de cette année budgétaire. C'est un système qui, par sa rigueur et son efficacité, éduque les gestionnaires des finances publiques. Pour ce qui nous concerne, et fort de la détermination qui est la nôtre. Beaucoup d'activités prévues dans le plan d'action annuel du CNC, exercice 2022-2023, ont été réalisées et je vous en serai informé au cours de cette session ordinaire. seront appelés à faire une lecture et des échanges et du procès verbal de la session ordinaire du 28 et 29 septembre 2022 avant de le vendre. Secondo, nous entrerons dans la présentation proprement dite du rapport d'activité du Conseil national de la communication de janvier à décembre 2022, suivi des échanges avant de passer à sa validation. Question, nous passerons en revue les dossiers de demande d'agrément de certaines stations de radio. Enfin, vous aurez également droit aux informations relatives aux dossiers pendant au Conseil national de la communication. C'était Vestine Nahimana, présidente du Conseil national de la communication. Les documents uniquement signés par les administrateurs communaux ne sont pas délivrés dans les communes de Rumonge, Wuyengero et Bugarama de la province Rumonge après l'incarcération de leurs administrateurs. Et cela fait 2 semaines. Les demandeurs de ces documents administratifs se lamentent et voudraient que ce problème trouve solution dans les meilleurs délais. Le conseiller juridique du gouverneur de Rumonge informe qu'une décision irrelative est attendue du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Correspondance Jean-Pierre Misago. À la carte nationale d'identité qui manque depuis bientôt 2 semaines à tous les demandeurs des communes Bouyengero, Bugarama et Rumonge qui se sont exprimés, ceux des communes Bugarama et Rumonge ajoutent l'attestation de possession d'une parcelle, l'attestation d'indigence et la procuration. Ils indiquent qu'aucun rendez-vous n'est même donné quand ils se présentent à leur bureau communal respectif à la recherche de ces documents. Les frais administratifs pour l'obtention de ces documents ayant été payés à l'avance, dans l'urgence notamment de la constitution des dossiers pour ceux qui sollicitent des prêts bancaires. Ceux-là qui se lamentent demandent que toutes les dispositions soient prises afin d'assurer la continuité dans l'obtention de ces documents. Ribé Bizimana, conseiller juridique du gouverneur de Rumonge, informe que dans de telles circonstances, seul le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique est compétent pour désigner la personne qui assure l'intérimat, ce qui n'avait pas encore été fait jusque ce jeudi matin. Entre-temps, Ribé Bizimana appelle les demandeurs de ces documents à patienter. Jean-Pierre Misago de Purumongue, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Cap maintenant sur la province de Bururi et c'est pour retrouver notre correspondant Zenon Zambimana. Il nous rapporte que 100 000 plants d'arbres sont en train d'être plantés au cours de cette année sylvicole dans la commune de Vianda de la province de Bururi par l'ONG Floresta Burundi. Cette ONG appelle les autorités administratives à tout faire pour que ces arbres ne soient plus dévastés par les feux de brousse comme cela a été le cas l'année sylvicole écoulée. L'administration communale et provinciale se disent très préoccupées par ce phénomène et sont en train de décourager les présumés auteurs de ces feux en infligeant des amendes aux éleveurs qui passent outre la stabilisation permanente. Zenon Zambimana. Le représentant légal de l'ONG Floresta Burundi fait savoir que 100 000 plants d'arbres, dont les eucalyptus, les agroforestiers et les autochtones, seront plantés cette année sylvicole 2022 sur les différentes collines de la commune Vianda, province de Bururi. Toutefois, Evariste Niyonzima n'espère pas de bons résultats suite aux feux de brousse qui s'observent toutes les saisons sèches dans cette commune où une grande partie d'arbres plantés par cette ONG l'année sylvicole écoulée ont été ravagés par ces feux de brousse. Evariste Niyonzima l'a dit ce mercredi, c'était sur la colline Gweza de la commune de Vianda, province de Bururi, à l'occasion du lancement de l'année sylvicole 2022 par l'ONG Floresta Burundi. Evariste Niyonzima demande l'implication effective de l'administration communale de Vianda pour éradiquer ces feux de brousse. Jean Douimana, conseiller chargé des affaires sociales au cabinet du gouverneur de la province de Bururi, qui a procédé au lancement de cette campagne, a salué vivement les actions déjà menées par cette ONG Floresta Burundi dans la commune de Vianda. Il fait savoir que l'administration provinciale est préoccupé par ce phénomène de feux de brousse qui s'observe toutes les saisons sèches dans cette commune. Jean Douimana indique qu'ils sont à l'œuvre pour éradiquer ce feu de brousse. Les éleveurs qui laissent leurs troupeaux brouter dans les jeunes repousses des prairies sont punis conformément à la loi et 10 parmi eux sont emprisonnés, a souligné cette autorité administrative. Jean Douimana appelle la population en général à protéger l'environnement source d'eau vie et aux éleveurs en particulier à respecter les mesures de stabilisation permanente. Dopi Bururi, Zenon Nzambimana pour la radio Isanganiro. Merci Zenon Nzambimana, il est 13h10 à Bujumbura et dans nos studios. L'utilisation des véhicules usés est un des facteurs qui causent les accidents routiers, selon le directeur général de BECA, cabinet de conseil en sécurité routière. Les statistiques de certaines organisations internationales, telles que la Banque mondiale, ont montré que le Burundi figure parmi les pays dont le parc automobile est très vieux. Pacifique et Sabine Bona estiment qu'il devrait y avoir des textes de loi qui réglementent la circulation routière et une agence de coordination de toutes les activités de sécurité routière. On l'écoute. Comme le montrent les statistiques de la Banque mondiale et de la Fédération internationale de la route, le Burundi fait partie des pays qui ont un parc automobile très vieux. Et cela peut être à l'origine de l'insécurité routière. Et des mesures peuvent être entreprises, mais la réponse globale serait qu'il soit mis en place une agence de coordination des activités de la sécurité routière qui puisse coordonner toutes les activités des 5 piliers de la sécurité routière, à savoir la mise en place d'un cadre légal cohérent, à savoir la conception des routes, l'aménagement et la réfection, à savoir l'éducation des usagers, la sécurité des véhicules, c'est-à-dire vérifier l'état des véhicules, mettre en place des lois qui puissent permettre qu'on ait un parc automobile neuf ou en bon état, et aussi à savoir les réponses après accident, les infrastructures qu'il faut pour secourir, que ce soit les ambulances, que ce soit les connaissances en premier secours, que ce soit les connaissances en prise en charge des blessés. Tout ça doit être coordonné au niveau de l'agence de la sécurité routière. Sinon, à ce jour, on constate qu'il y a une dispersion d'efforts et d'énergie et qui ne permet pas d'atteindre les résultats escomptés, à savoir la diminution des accidents, la diminution du nombre de blessés et de morts sur la route. Et les bouchers et les vendeurs de vêtements exerçant au marché de Ruvumera en zone Voyenzi affirment ne pas vendre ces jours-ci plus qu'ils ne le faisaient les années passées. Signe que les clients ne se préparent pas outre mesure pour les fêtes de Noël et de fin d'année. Ils expliquent au micro que les produits sont devenus très chers au regard de leur pouvoir d'achat. Reportage Jean-Marie Mayong. Arrivé au marché Ruvumera de la zone Buyenzi, on voit des gens qui se bousculent au sein de ce marché, mais n'achètent rien selon certains commerçants des viandes et des vêtements. Ils expliquent que la cherté des produits et la pauvreté dans les ménages font que les gens ne préparent pas comme il faut ces fêtes. Certains consommateurs qui n'ont pas voulu s'exprimer sur nos micros disent qu'ils n'ont pas assez de moyens pour bien fêter comme ça se faisait dans les années antérieures. Les commerçants des habits disent que les taxes élevées sont à la base de la cherté de ces produits, que ce soit du côté des commerçants ou les acheteurs, tous demandent à l'État de tout faire pour diminuer les taxes sur les différents produits. Cette situation se présente ainsi au moment où il y reste 2 jours pour célébrer la fête de Noël. Actualité internationale. À 13h14 à Bujumbura et sur Isanganiro, nous ouvrons la rubrique internationale de cette édition. Alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté pour prolonger la mission de maintien de la paix de l'ONU en République démocratique du Congo, les habitants de Goma ont manifesté mercredi leur désaccord face à la nouvelle. Entre colère et déception, ils sont plusieurs à reprocher à la MONUSCO de ne pas suffisamment les protéger. La résolution prolongeant la force de maintien de la paix de l'ONU jusqu'au 20 décembre 2023 condamne fermement tous les groupes armés nationaux et étrangers opérant dans le pays et exige qu'ils cessent immédiatement toute violence et toute action déstabilisatrice. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui n'a pas quitté son pays depuis l'invasion par la Russie, a été reçu mercredi 21 décembre à la Maison-Blanche par Joe Biden. Il s'est ensuite adressé au Congrès américain, resserrant ainsi les liens entre les deux pays. Une nouvelle tranche d'aide militaire de presque 2 milliards de dollars a été annoncée. Elle va comprendre un nouveau type d'arme, une batterie de missiles Patriot. Il s'agit de missiles antimissiles à longue portée pour aider l'Ukraine à résister au bombardement qualifié de barbare à Washington contre les infrastructures énergétiques du pays, destinées à plonger la population ukrainienne dans le froid et dans le noir pendant l'hiver. Ce soutien n'est donc pas uniquement verbal, mais surtout matériel. Il est 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal.